À Pyongyang a eu lieu le 15 et 16 courant la réunion du 16e comité de coordination du programme de coopération et de développement sur la sécurité et l'utilité gestionnaire du Nord Asiatique de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Y étaient présents Kang Gi-soop, chef de la direction générale de l'aviation civile coréenne, les fonctionnaires intéressés, Jin Yu-bin, président exécutif du 16e comité de coordination, les délégations et hôtes étrangers. La réunion a dressé le bilan des activités du programme de coopération et de développement de 2015-16. Elle a recommandé aux pays membres de remplir loyalement leurs responsabilités et obligations en vue de renforcer la coopération régionale. L'assistance a discuté et décidé des questions de travail posées pour observer les exigences standards de l'Organisation internationale de l'aviation civile, y compris la gestion de vols et l'utilité aérienne de 2016-17.